soit que des ondes de douleur. Cependant qu'une minute semblerait des jours, le temps d'une lutte pour l'amour. Si pendant une seconde on s'aimait vraiment, si pendant une seconde on faisait plus semblant, si pendant une seconde s'arrêtait le temps, un bref instant de calme reposant, essuyant les larmes d'antan. Cependant qu'un beau jour semblerait des années, et qu'à force de détours nous soyons condamnés. Cependant qu'une seconde semblerait des décennies, on verrait ce monde vite à l'agonie. Si pendant une seconde on s'aimait vraiment, si pendant une seconde on ne faisait plus semblant, si pendant une seconde s'arrêtait le temps, un bref instant de calme reposant, essuyant les larmes d'antan. Si pendant une seconde on s'aimait vraiment, si pendant une seconde on ne faisait plus semblant, si pendant une seconde s'arrêtait le temps, un bref instant de calme reposant, essuyant les larmes d'antan. Cependant qu'une seconde semblerait des heures, on ferait de ce monde un jardin de fleurs. Cependant qu'une seconde ne voit que des pleurs, ne reçoit que des ondes de douleur. Cependant qu'une minute semblerait des jours, le temps d'une lutte pour l'amour. Si pendant une seconde on s'aimait vraiment, si pendant une seconde on ne faisait plus semblant, si pendant une seconde s'arrêtait le temps, un bref instant de calme reposant, essuyant les larmes d'antan.